s'écoule chaque jour comme une onde claire qu'aucune saison ne tarit. Le corps et le cœur meurtri, tu erres comme une enfant perdue en quête des jours heureux qui se sont enfuis et qui ne reviendront plus. Laisse le soleil sécher tes pleurs, un trop long sommeil peut flétrir une fleur, pour que le temps dissipe tes peurs, et que l'amour chasse un jour le malheur, ouvre ton cœur. Petite fille que je chéris, dans ton sommeil tu te débats, jamais aucun matin ne fera taire le cri que tu sens monter en toi. Tu dansais dans la lumière de ton jardin aux mille couleurs, sans même imaginer qu'existait l'hiver, plein de bruit et de fureur. Laisse le soleil sécher tes pleurs, un trop long sommeil peut flétrir une fleur, pour que le temps dissipe tes peurs, et que l'amour chasse un jour le malheur, ouvre ton cœur. Petite fille que j'aime tant, ta douleur est aussi la mienne, que cette chanson confiée aux caprices du vent adoucisse un jour ta peine. Laisse le soleil sécher tes pleurs, un trop long sommeil peut flétrir une fleur, pour que le temps dissipe tes peurs, et que l'amour chasse un jour le malheur, ouvre ton cœur.